jeudi et ainsi profiter des spectacles de musique offerts dans une ambiance intime. Country, blues, rock, rockabilly, jazz, folk, laissez-vous charmer par les talents du coin, mais également ceux de nombreux artistes de passage. Bonsoir Bruno, en forme? Oui, parfait. Bienvenue à Terra Incognita, votre émission hebdomadaire de rock progressif. Ce soir, on a quelques nouveautés, dont le nouveau Anecdoton, devrais-je le rappeler, qui sera avec nous le 16 mai au Centre d'art La Chapelle dans le cadre de la convention Terra Incognita. On va écouter deux extraits du tout chaud « Until all the ghosts are gone ». On va voir aussi le nouveau Is et bien d'autres choses. Donc, deux bonnes heures en compagnie de Michel et Bruno, et c'est du bon prog. On commence sans plus tarder avec Anecdote. premier extrait de Until All the Ghosts Are Gone d'Annick Dalton. C'est tout chaud et vous le savez, ils vont être au Centre d'art. Ce que j'ai oublié de vous dire tantôt, c'est que si vous allez sur le réseau Billettech ou si vous appelez au Centre d'art de la Chapelle, il n'y a plus de billets. La seule façon de se procurer des billets pour le samedi 16 mai, c'est de me contacter moi, parce que c'est moi qui ai les derniers entre les mains. Je fais pas ça, je fais pas exprès, là, mais ça arrive de même. Je vais peut-être aller emporter au Centre d'art un moment donné, chez Billettech. Mais pour le moment, si vous cherchez des billets, parce qu'il n'en reste pas beaucoup, faut dire que le groupe ne visite pas non plus très souvent. Là. C'est loin de là. Et puis, je pense que tout le monde veut en profiter. Donc, Annick Dalton, le 16 mai, au Centre d'art de la Chapelle. Et puis, le lendemain, ben, on a aussi, évidemment, une autre journée de concert avec Frog Café. On a aussi Il Castello di Atlante avec, comme invité, le clavieriste de Lee Ormé. Et puis, pour couronner le tout et conclure, oui, c'est ça. Oui, je ne sais pas pourquoi que je me pose des questions. Ris pas, Bruno, là. Ben c'est ça, on va avoir Caipa de Capo avec M. Rein Stolt lui-même qui va nous préparer un savant mélange là, des trois premiers Caipa enregistrés dans les années 70. Je pense que ça va être un peu le festival de la guitare. Et puis, je dois dire que M. Stolt, c'est pas mal dans ses cordes, comme on dit. Donc, ça va être une autre journée à ne pas rater le 16 et le 17 mai au Centre d'art. Ben là, tant qu'à l'avoir entre les mains, je pense que on peut y aller, Bruno, pour une seconde anecdote, oui, du tout récent Until All the Ghosts Are Gone, anecdote. So we would Ça nous vient de New York, Frog Café, qui sera au Centre d'art La Chapelle dimanche le 17 mai. C'est eux qui vont ouvrir la journée. Et puis, ben, comme je le disais tantôt, on va avoir aussi El Castello di Atlante avec le claviériste de Liormé et M. Stolt. Et puis, ben, avant, on écoutait une autre pièce de Until All the Ghosts Are Gone de Annick Dotton. Vraiment content parce que ce groupe-là, on ne peut pas dire que c'est des prolifiques justement à la Ryan Stolt. C'est tout le contraire. Là, je pense que ça faisait 8 ou 9 ans qu'ils n'avaient pas présenté de disque. C'est quand ils en sortent, on les prend avec plaisir, surtout quand ils sont bons comme ça. Et ben, c'est ce qu'on va probablement avoir une petite présentation là, le 16 mai, mais j'ai l'impression qu'ils vont plutôt nous préparer comme un survol de tout ce qu'ils ont fait. Et bon, de toute façon, ça va être bon, ça c'est sûr. Donc, vous devinez que je suis un peu comme fan sur les bars. Et puis, je suis très content parce que c'est la dernière fois qu'on les a vus, je pense que ça fait 16 ans. On peut pas dire que c'est la visite très, très, très... on dit comment je pourrais dire, je cherche le bon terme, là, mais en tout cas, c'est pas des gens qui... c'est pas des sorteux, mettons. Et on va continuer avec une nouveauté. Is... Oui, on a déjà eu l'occasion de les voir dans le cadre de Terra Incognita à quelques reprises, en fait trois fois. À chaque fois, on se disait ils peuvent pas faire mieux que la fois qu'ils sont venus à l'armée, c'était toujours meilleur. Donc, et puis leur disque, mais il est aussi meilleur. Ça s'appelle Everlasting Instant et on écoute un premier extrait. On va en écouter deux. Donc, on commence avec la première pièce, Own the Mystery. C'est le nouveau Is. Thank you.

You'll be Eventually, why not be ready to go? Que dire? Is Everything, non, Everlasting Instant, la pièce Start Again. C'était le second extrait qu'on écoutait ce soir. Tout un disque. Donc, comme les trois, quatre derniers, je dirais, et pourquoi pas l'ensemble. Tout juste avant, on avait, ça nous vient de Norvège, Moll Maskin. Ouais, ben, j'imagine qu'en norvégien, il y a peut-être une signification qui nous échappe, mais en tout cas, Moll Maskin. Projet d'un musicien qui a invité plusieurs personnes, dont Rhys March. Certains peuvent peut-être s'en rappeler. Là, il est passé à Québec il y a quelques années. Rhys March, donc, qui produit et qui réalise beaucoup de ce temps-ci. Le concept est intéressant. C'est comme un LP style, comme diraient les Italiens, là, une pochette de vinyle rigide avec deux CD. C'est un double CD, mais chaque CD totalise 25 minutes. Donc, moi, personnellement, ça me frustre un peu. Mais pour le concept, c'est vrai. Mais la musique est super bonne. Un peu de Soft Machine du début des années 70, là, ou fin 60, et puis un folk. Hein, c'est vraiment bon. Bruno, il me dit que je parle pas assez vite. On a aussi eu Not a Good Sign, leur deuxième From a Distance, et puis on avait amorcé avec Is Everlasting Instant. Le temps de vous rappeler que vous êtes à l'écoute de CKRL et c'était Incognita jusqu'à minuit, Michel et Bruno. Cette soirée vous est présentée par La Barberie. Bonsoir, bienvenue à La Barberie. Qu'est-ce que je peux vous servir? Je vais te prendre une casquette, un t-shirt mal de fille, deux t-shirts large de gars, un porte-clés, un pot de moutarde, un pot de confit d'oignon, une pince graphique puis une tuque. Tressé ou à rabat noir, la tuque? Donnez-moi les deux. Quelque chose à boire? Cruchon de lait de javelé pour emporter. Madame. Chérie, réveille-toi. Oh, je rêvais que j'étais à la Barberie. À la Barberie, il y a de la bière. Et beaucoup plus encore. Et encore plus. Tout paraît calme. Tout paraît calme. Dur de se regarder sans couler sous le chat. Êtes-vous un fan de Claude Bégin? Ici Michael Bergeron, animateur de Stéréo Local. Courez la chance de remporter son nouvel album Les Magiciens en écoutant l'émission du 13 au 16 avril entre 15h30 et 17h30. Tu m'envoies des cales. Au fond de toi se cache une bague. Fais attention à la fête. Pour tout connaître et tout savoir sur le Salon international du Livre de Québec, écoutez Les Bouquins d'abord, co-animé par Barbel Renquet et Sandra Lalancette, du 8 au 12 avril, de midi à 13h30. Romans, nouvelles, poésies, biographies, essais, polars, littérature jeunesse, rencontres d'auteurs, livres sur l'art. Vous avez une carte de membre de CKRL? En présentant votre carte, économisez 10% à la librairie Pantoute, au 1100 rue Saint-Jean et au 286 rue Saint-Joseph. La carte de membre de CKRL, c'est pratico-économique. CKRL. Québec. Melody, there without reason. She is is on her way with the rain clouds of May, leaving me to stay here with a warning. With a warning. Jesus lives on the 22nd floor, making plans with a couple of her friends. Truth can be found in the news of yesterday or in the rain cloud. Words can be found with the meanings left behind, leaving the sound. Thank you. without reason, counting out time till the Sandman returns on the screen. Watch the new TV season, passion and crime. See the madman returns with a sigh. Wonder why, wonder why. The word inside and wonder, looking for relief. We catch the spark that feel the thunder, soon to be released in the sweet cocoons of our lovely homes by the seaside. Shades of Désolé, Bruno, de t'avoir tiré de ton sommeil, mais c'était le temps du micro. Une chance que Bruno ait le sens de l'humour, parce que j'en aurais mangé toute une. Donc, on vient d'écouter Tio, un Américain. En fait, c'est le projet d'un claviériste pour nom Jim Alfredson, et qui s'est donné comme mission de réhabiliter l'orgue. Amen, entre autres. Et oui, et pourquoi pas? Et c'est très bien de toute façon, parce que c'est vrai qu'on n'a pas tant que ça maintenant. C'est plus synthé et compagnie. Mais enfin, donc Tio, The Game of Ouroboros, c'est son premier projet. Le monsieur, d'habitude, il fait du jazz puis du soul. C'est assez surprenant. Et c'est son premier projet prog. Et c'était un bloc assez court. Donc, on avait amorcé avec Argos, Seasonal Affair. Ben, écoutez, c'est notre dernière demi-heure. Je pense qu'on va y aller encore avec... Je pense qu'on va y aller avec du rock progressif encore. Bruno, il a l'air d'accord. Et on va aller faire un petit tour du côté d'Italie avec Il Castello di Atlante, un extrait de leur prochain disque qui verra peut-être le jour... À un moment donné, Axe Atlantis, on a toujours, nous autres, notre compilation Terra avec une pièce de ce disque qui probablement n'aboutira pas comme ça à la fin, là, mais ben, tant mieux pour nous parce que ça, on va voir comme une petite pièce de collection. Donc, et puis, ben, je vous rappelle que c'est toujours Terra Incognita, c'est KRLMF. Moi, je le dis MF comme dans le temps. 89.1, dernière demi-heure avec Michel et Bruno. notte, con le tue parole in mente, solo nella notte, sfiorando questi tasti. Non ho mai imparato a proteggere il mio cuore dal gelo degli occhi, dal vuoto che mi assale. Yeah. We'll be right back.